Bonjour Chloé Leprince. Bonjour. C'est l'heure de votre carte d'électeur, notre rendez-vous chaque vendredi avec des électeurs, des citoyens qui nous racontent leur rapport à la politique à 6 mois de l'élection présidentielle. Cette semaine, vous vous êtes intéressée, Chloé, à des femmes engagées, à des femmes et même à des féministes. Oui, alors je me suis demandé comment pouvaient se positionner en 2011 des femmes qui se structurent socialement, politiquement, autour de l'engagement pour les droits des femmes. Alors concrètement, je suis allée au planning familial d'Orléans, passer du temps avec deux permanentes. Christine, qui dirige la structure, elle a 60 ans, dont 40 de militantisme. Sa première adhésion à l'association, c'était en 75, c'était la loi Veil qui autorise l'avortement. Et puis Sarah, 25 ans, travailleur social de profession comme Christine, salariée du planning depuis 4 ans et militante féministe. Et le fait d'être une femme, est-ce que c'est décisif pour elles quand elles sont dans l'isoloir ? Alors, depuis la fin des années 70, c'en est fini hein, avec la tendance des femmes à pencher à droite. Plus elles ont travaillé, plus elles ont fait d'études et plus elles ont voté comme les hommes. Avec une nuance tout de même, Jean, en 2007, les plus jeunes ont voté davantage Royal que les hommes et les plus de 65 ans, eh bien, davantage Sarkozy que la moyenne masculine. Alors, quand j'ai demandé à Christine et Sarah si elles votaient en tant que femmes, si leur regard de citoyenne était imprégné par le genre. Christine m'a expliqué que c'était une vision trop mécanique, trop caricaturale du féminisme aujourd'hui. Pas question par exemple de voter pour Eva Joly en 2012. C'est genré parce que dans les programmes, je vais surveiller comment les femmes sont nommées, parlées, considérées, etc. Je ne voterai pas pour un candidat où il n'y a pas de projet pour les femmes, qui n'ont pas donné de place dans leur liste. Après, je ne voterai pas pour une femme parce que c'est une femme. Moi, je vote pour un projet. Si cette femme défend bien ce projet, je voterai pour elle. Sinon, non. C'est les questions de compétences. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a toutes les compétences non plus. Alors, au début des années 80, Christine avait sa carte au Parti communiste. Elle avait 30 ans, c'était l'époque du programme commun. Elle est toujours adhérente à la CGT, intéressée par la politique, mais elle confie, sans du tout céder aux tous pourris, hein, qu'elle trouve quand même que les partis sont trop petits bras sur un certain nombre de questions, à commencer par la question des femmes, et ce, malgré un vrai clientélisme. Moi, j'aime la politique. Où je suis déçue, hein, des fois, c'est que les partis politiques, ils vont venir chercher les femmes parce qu'il leur faut sur leur liste, la loi les oblige maintenant, mais... La réelle volonté de prendre en compte les difficultés de leur vie, mais que ça soit dans la vie quotidienne comme dans la vie politique. Hein. Voilà pourquoi les femmes ne sont pas dans les conseils municipaux, parce qu'elles n'ont personne pour garder leurs gosses. Les mecs ne posent pas ce problème-là. Hein. Les gosses, ils sont gardés par leurs bonnes femmes. C'est du quotidien, mais c'est ça qui fait la vie des gens. Et cette espèce de compromission sans vraiment être convaincu que ça peut changer des choses dans l'organisation de notre société, moi, c'est ça qui me déçoit. Alors concrètement, eh bien Christine vote de plus en plus souvent blanc. Pourtant, on l'a entendu, elle adore la politique. Elle est même interpellée par la baisse de l'engagement, surprise par ces nouvelles promotions de travailleurs sociaux qui ne se considèrent pas militants. Le planning d'Orléans, eh bien, c'est chaque année 3500 femmes accueillies par 10 salariés, beaucoup de temps partiel en réalité, et puis 7 bénévoles, mais le renouvellement est difficile. Et parmi ses jeunes collègues, il y a Sarah, autre génération. Sarah a 25 ans. Elle est très attachée à la mission d'éducation populaire du planning familial, à sa dimension politique aussi. Elle m'a expliqué comment elle était devenue militante, bien avant d'être rémunérée par l'association qui sera en réalité sa première embauche. Quand j'ai vu Jean-Marie Le Pen au premier tour, j'ai vu mes parents pleurer, vraiment. Et j'en ai des frissons là quand j'en parle, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, on est en France, les gens sont pas allés voter, avec une espèce d'incompréhension alors que moi je pouvais pas aller voter. À ce moment-là, j'ai perçu que moi j'avais vraiment une nécessité de m'engager quelque part. J'ai eu l'occasion de faire un stage au planning, voilà, j'ai continué à m'y engager et à donner d'énergie encore et encore. Des gens de l'âge de Sarah qui m'expliquent que le deuxième tour de 2002 les a façonnés, eh bien, j'en rencontre pratiquement toutes les semaines. C'est vrai, on l'entend dans les témoignages que vous rapportez. Ça des gens entre 20 et 25 ans qui ne pouvaient pas voter en 2002, qui disent aujourd'hui qu'ils votent parce qu'il y a eu le 21 avril, j'en rencontre pratiquement toutes les semaines depuis le début de carte d'électeur il y a 6 mois. Alors Sarah a finalement trouvé un métier dans ce traumatisme citoyen, c'est comme ça qu'elle parle du 21 avril 2002. Un métier, mais pas forcément une famille politique. Elle se dit de gauche, radicale, vote parce que Le Pen, on l'aura compris. Mais je n'ai pas non plus le sentiment qu'elle y trouvait vraiment son compte. Moi, je vais aller voter, mais j'hésite à aller voter blanc, quoi. Pour moi, c'est un droit et un devoir, quoi. Mais je trouve que c'est très, très compliqué. Si on parle de parti ou de... Je suis toujours aussi paumée. Pour moi, tout ce qui est élection, c'est pas de la politique, quoi. Pour moi, c'est pas ça qui est politique. Politique, c'est le travail des associations sur le terrain, c'est l'engagement auprès des gens. Pour moi, il y a plein de choses qui sont politiques. Mon travail tous les jours au planning, c'est politique. Pour des élections présidentielles, par exemple, moi, ça me représente pas. Pour moi, j'ai l'impression que c'est hyper loin, quoi. C'est intouchable, quoi. Enfin, j'ai pas de point commun avec les gens qui sont en train de se présenter, là. Que manque-t-il, Chloé, pour que ces femmes se retrouvent davantage dans les candidats ? Pour Christine, sûrement davantage d'engagement, moins de compromission, comme elle dit aussi. Et pour Sarah, un vrai renouveau qui pourrait, qui devrait aussi venir des femmes. Car pour l'instant, les femmes politiques l'ont franchement déçue. Je trouve qu'elles copient les hommes, en fait. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que c'est des femmes, quoi. Elles ne parlent pas en tant que femmes, elles parlent en tant que personnes politiques, quoi. Moi, je pars du principe que ce qu'on fait en politique et l'engagement qu'on fait, c'est à partir de l'histoire qu'on a et à partir de valeurs qu'on peut défendre, quoi. Dans notre société, un homme et une femme n'est pas considéré de la même manière, c'est une réalité. Il y a une domination masculine, ce qu'on n'ose pas dire, parce que tout de suite, ça fait réac. Moi, quand je dis à mes potes que je suis féministe, on se fout de moi, quoi. Voilà, ces témoignages de femmes à Orléans. Merci Chloé Leprince. On retrouve la carte des lecteurs sur franceinfo.fr et chez notre partenaire Rue 89.